jusqu'au temps On baisse les skills qui se rasent comme Britney Spears. Ils crèvent, on dit pas mes skills, car c'est de la haine qu'ils inspirent. Grosse scène, mystérieux, mort, stade cruant dans la galère. 600 km nous séparent, ça ne rapproche plus que ça en a l'air. Depuis tout jeune, le troisième dans en l'air. Envers cet état fasciste qui suscite nos colères. Psartek, t'as sorti Barra, garde la pêche, Titi. On va s'en sortir, Bep, si monsieur se rend le kiki. Alias, dis-leur que c'est tirailleur, grosse scène. Bordeaux, représentant sur Panam, je me mets en scène. La vie de Jekari rude comme le banc d'une garde à vue. Contrôle de keufs dans la rue et ils veulent qu'on se mette au garde à vue. Mais on est indomptable comme les camères. On croise un keuf seul dans la rue, on va le niquer sa mère. Ouais ouais, bien le niquer sa mère. Car depuis tout jeune il nous reste un goût amer. J'en place une pour mes gars, c'est le méga d'en bas. 33, l'os au pur soldat. Tous les gens de BX qui soutiennent mon peur. Inch'Allah que le travail paiera. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas bénir ta mère, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas, bénique ta mère. C'est Mysterio, Morsaille, Gossen, tirailleur. On défouraille au mitrailleur, on braque et on se tirailleur. Maigret, baisse ta mère, avec mes dents, je le rache son tailleur. N'a pas eu le droit de s'intégrer, comme Franco Bayern. N'est pas là pour faire s'rap, truand de la galère. Si le rap ça marche, rap et badawa, il me reste la galette. Rap t'as mon bien-être, j'suis pas net, fuck toute la planète. Trop de sky dans la canette, regarde nos gueules sur internet. Mec, c'est pas pour faire un feat, qu'on recherche la castelle. C'est juste pour qu'elle nous taille une pipe et ensuite on se débarrasse d'elle. Les têtes à tête, même pas avec Sheriff Aluna. Non, à 15 ans, t'fais ta fête, en le avec ta Eh mais Morsa, c'est quoi le délire de ces fils de pute de skinhead là, Bodo? Eh bah leur chatte à leur mère, elle est tellement grosse qu'on peut rentrer deux tours Eiffel en même temps. Ah, t'es galère. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas, bénique ta mère. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas, bénique. Les mères au gros facho, je reviens hardcore pour mes rots. C'est Morsaille, le cas sociaux. Je nique Sarko et Maigret. Ne parle pas trop fort, on palait tous les bâtards de carte du corps. Une pougnade CRF, encore jusque temps. J'arrive pas à m'arrêter. Je représente pour tous les clans des big up aux françaises qui leur ont fait leur papier. Victime de la société, on fume des joints toute la journée. C'est pour mes poulas et mes grossistes. C'est pour les mecs qui font du biz. Je m'arrête pas, je suis à 200 à l'heure. Je nique les radars et même les inspecteurs. Tout le gouvernement. Ouais, ils sont là pour étouffer le talent. On le crie ouvertement que ça aille donc niquer leur maman. La liberté, elle donne pas rancard à l'eau chaude. Et ouais, un immigré au placard, c'est comme un trou de balle au choc. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas, bénique ta mère. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur le terre-terre. Car on truante comme la galère. Et si t'aimes pas, bénique ta mère. Hey, les informations, Sarkozy s'est mangé une balle. Les immigrés, vous pouvez venir en France. Et pouiller les riches, les milliardaires. On est pouillés, ces bâtards. Un contrôle de keuf, ça nous fout les nerfs. H24 sur